belle. Et arrête de me faire la star sur Pépé, tu es pas belle. Je préfère Tokyo. Et on prendra un coup de bec ici demain, on a la telle. La faire confiance de commander tes dons. J'ai squatté la zone des TP pour qui devant le bendo. Le soir en rentrant dans ma caisse par un impro. Je raconte mon vécu, ma vie et même l'impro. J'ai assez donné, j'ai changé, je vais t'étonner. Quand les tu dis, tu me connais. Je suis je mets le pare-soleil. Je fais un son, j'ai pas sommeil. Comme plus tu t'es consommé, les traits t'ont pu téléphoner. Marque des embrouilles, je suis indiqué. Mais je reste cool, je vais m'enrouler. Fais le voulu, c'est trop dégueu. Je touche ta famille, ma tricée, ça sent qu'un autre. C'est pas des gens, c'est des anges. On fait pas les shows avec les franges. Pépère dans le sud, dans ton quartier, dans ta zut. Y'a que moi et la lune, sur la côte d'Azur. Frérot, t'assure si tu m'aimes ton sud. Le fils coquet, faut que tu me parles en Buenos Aires. J'suis le professeur, j'ai un coup d'avance si tu seras belle. Et arrête de me faire la star, t'es pas belle. J'préfère Tokyo, ça n'est pas belle. Et on prendra un coup de pique ici, demain on a la terre. Si j'suis seul à l'hôtel, rôle de telle, j'pense aux belles, j'pense aux belles, j'suis aux belles. Vas-y fais-en un. Et roule pas une chaussette. J'suis avec les frangins. Nous on suce des gars. Marque des embrouilles, je suis indiqué. Mais j'reste cool, j'vais m'enrouler. Que il fait le fou lui, c'est un beau délire. Tu touches la famille, moi, non, tu sais, c'est l'autre mot. Oh, le sang, attends, le sang. Ah. Je connais, tu arrives en chaussures et tout. Elles sont belles, attention. Ouais. Mais tu es mis en claquette, le sang. Ah, tu m'as pris claquette. Il est mis en claquette, le frérot. Mais moi, bien. Les méchantes claquettes. Ouh. Tu les connais? Ah ouais, tu les connais. Je vais le mettre sec, parce que c'est. Depuis tout à l'heure, j'ai l'habitude que des claquettes, moi. Tu connais? Une détente. Niato. T'es fait. Ah, je suis chaud patate, mais. Là, c'est eux qu'il faut savoir s'ils sont encore chauds. Parce que ce soir, moi, ma team, je viens, ils n'arrêtent pas. Hein. Si fort, jusqu'à demain. Je suis là, moi. Je suis là, moi. Au Marseille. Au Marseille. Je vous aime, la team. Je vous aime fort. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Hein. C'est grâce à vous. Tout ça aujourd'hui, c'est grâce à vous là que moi je suis là, ici sur cette scène. C'est vous qui me faites vivre. C'est grâce à vous que je vis. Merci bien la zone. Hein. Merci. Et j'oublierai jamais. C'est pour ça que je suis toujours derrière vous. C'est pour ça toujours. Toujours je fais des albums. Toujours je ferai des sons pour ma team. Toujours, jamais je les lâcherai comme eux, ils m'ont pas lâché, comme vous m'avez pas lâché. Jamais je lâcherai ma team. Toujours pareil, moi y a rien qui change. Et vous le savez, hein, change pas hein, comme d'habitude. Hein. On reste le même, pied sur terre, tête sur les épaules. Et des fois le cerveau un peu sur la lune, mais tranquille. Bon, ça va encore chaud. C'est pas fini, c'est ça moi, tu vois. C'est pas fini. Frère. Chaud. Allez vas-y, on va voir si vous êtes chaud, on va voir. On voit le son deck.